derrière ces trois dunes. Je renonce, mais les voilà sous la lune. Un cortège suivant l'annonce. C'est pas moi qu'on enterre. Pas de raison d'aller mal. Lente, la farandole avance. À la table, loin, la voix connue me lance. Elle m'arrive dessous le sable. Perdu sur ces trois dunes, va et sois sûr, je t'attends. Rentre où les filles sont brunes. Puis reviens-moi.